Être. Je suis. I am. Je ne suis pas. I am not. Vous êtes. You are. Vous n'êtes pas. You are not. Il est. He is. Il n'est pas. He is not.